Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. Le ministre burundais chargé des relations extérieures dit déplorer que les problèmes dans lesquels est plongé le pays il y a 2 ans sont en partie liés aux accords ratifiés par le Burundi sans se rendre compte des pièges qui se cachent derrière. Le département de gynécologie à l'hôpital Roi Khaled est beaucoup plus touché par le manque de médecins généralistes. Le chef de ce département dit avoir soulevé la question à la direction de l'hôpital. Les prix des produits vivriers n'ont pas chuté au marché de Ruyigi au cours de la récolte de la saison B. Certains disent que cela serait lié à la collecte du haricot qui serait acheminé vers la Tanzanie. Le ministère de l'Intérieur a sorti le 29 juin cette année une ordonnance par laquelle la place communément appelée Grenier du Burundi est fermée. Les commerçants qui y travaillaient sont interpellés à s'installer au marché Ngagara 2, communément appelé Kotebu. Cette décision considère que c'est pour redynamiser son marché. Voilà pour le sommaire de ce journal, mis en onde par Aimé Toussaint Mitewouti et présenté par Alain Désiré Boukéyenez. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le ministre des Relations extérieures trouve alarmant le contenu de certaines conventions que le Burundi a signées. L'ambassadeur Alain Aimé Nyamitwe déplore que les problèmes dans lesquels le pays est plongé depuis 2 ans sont en partie liés aux accords que le pays a ratifiés sans se rendre compte des pièges qui se cachent derrière. Il estime que dans l'avenir, cela doit changer. Alain Aimé Nyamitwe l'a dit en milieu de cette semaine devant les députés. Il est traduit par Joseph Sabiabandi. Ibazo twagiye duhura nazo mu gihugu cy'u Burundi muri imyaka ibiri irangiye ari ibazo byaturutse nuvuga mu masoko menshi. Les problèmes que nous avons rencontrés au Burundi ces 2 dernières années sont des problèmes de plusieurs origines, mais pour la plupart, ils sont liés aux conventions que nous avons signées avec les pays de l'Union européenne et d'autres pays. Nous constatons que nous avons accepté des choses sans nous rendre compte des pièges qui se cachent derrière. Nous nous rendons compte que nous avons accepté des choses sans que nous ayons la capacité de les faire, mais aussi sans nous apercevoir des pièges qui sont dedans. Donc, nous nous précipitons à signer des accords et à les faire approuver par le Parlement sans les avoir analysés scrupuleusement. Cependant, cela ne concerne pas uniquement le Burundi, ça concerne la plupart des pays africains. À titre d'exemple, c'est le traité de Rome qui met en place la Cour pénale internationale. Quand on se rencontre entre pays africains, on se demande quelles mouches nous avaient piquées pour signer un tel accord. Parce que quand on analyse ces dispositions, on constate que ce sont des dirigeants africains qui étaient visés. Mais les années 2002 et 2003, les pays africains ont ratifié cet accord en masse comme s'ils étaient en compétition. Cela n'est qu'un exemple parmi plusieurs. Le ministre des Relations extérieures reconnaît cependant qu'aussi les Burundais ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il appelle les concitoyens à collaborer et à s'aimer en préalable pour gagner le respect des nations. Encore une fois, Alain Aimé Nyamitwe. En plus, ce que je dirais et qui est important, c'est que nous les Burundais, nous devons être responsables. Nous avons accepté d'être indépendants. Cela nous oblige d'être responsables entre nous. On ne peut pas coller tous les maux dont les Burundais ont souffert sur la tête des colonisateurs. Ce ne sont pas ces colonisateurs qui ont distribué des machettes et des fusils utilisés pour aller tuer les concitoyens. Il y a des Burundais qui sont animés d'un mauvais esprit, qui ont tué les frères. Nous devons reconnaître cela. Ça s'est passé il y a des concitoyens qui ont versé le sang. Nous devons alors être conscients de tout cela et se convenir entre Burundais de nous aimer. C'est à partir de cela que nous gagnerons le respect des nations. Au cas contraire, nos détracteurs tireront une conclusion que nous sommes un peuple à coloniser. Alain Aimé Nyamitwe, ministre burundais des Relations extérieures. Il se tiendra dès ce lundi, le 3 juillet, en 29e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba. Selon le premier vice-président du Burundi qui représentera le pays dans ce sommet, les échanges porteront sur l'évaluation de la réunion précédente dont les recommandations étaient formulées autour de l'investissement aux jeunes tout en tirant profit des dividendes démographiques. Suivez Gaston Sindimo, premier vice-président de la République. Oui, je me rends à Addis Abeba où je vais participer au nom du chef de l'État au 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine où nous allons transmettre le message de paix. Nous allons expliquer en long et large la situation sécuritaire du pays et puis et nous allons aussi pour évaluer la réunion du 28e sommet des chefs d'État. Qu'est-ce que nous avons fait? Quelles sont les recommandations qui ont été mises en application? Vous savez, le thème du 28e sommet, c'était tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant aux jeunes. Et puis, nous avons mis des commissions. C'est là où nous allons évaluer les commissions, quel est le pas franchi par rapport à la situation qui était au 28e sommet. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, l'hôpital Roi-Khaled éprouve des difficultés liées au manque de médecins généralistes. Cela cause des problèmes d'organisation de garde de nuit. Le département de gynécologie est l'un des plus touchés par son manque de médecins. Le chef de ce département indique que la question a déjà été soumise à la direction de l'hôpital. Suivez Dr Sylvestre Bazikamu. Je vais dire qu'en fait, il y a un problème d'organiser un personnel qui n'est pas suffisant pour la couverture, parce que le problème est connu de cet hôpital, parce que en fait il y a 3 équipes. Il y a une équipe qui travaille jusqu'à 14h, il y a une autre équipe qui travaille jusqu'à 18h, et puis il y a des médecins qui font la garde de la nuit qui sont des généralistes. Et ces généralistes ne sont pas suffisants. Nous en avons 2 seulement. Il y a un qui vient de partir pour poursuivre sa formation. Et donc il y a un problème, 1, de pouvoir assurer les gardes tous les jours, 2, de les maintenir sur les gardes, sur la couverture. Et habituellement, ce qu'on fait, quand il y a un personnel qui est de garde après-midi et que celui de la nuit ne se présente pas, il est obligé de poursuivre la garde jusqu'au matin. Pour gérer les urgences, on doit être sur les lieux tous les jours, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand il n'y a pas ça, en général, c'est des personnes qu'on va appeler. On prend une ambulance la nuit, on les récupère et puis on les amène, ils rassemblent tout ce qu'il faut pour le traiter. Donc c'est un problème, il y a un retard de prise en charge. C'est pour cela qu'on a déjà signalé ce problème à la direction, mais au niveau de la direction, ils ont le problème de suivre la procédure rapidement pour pouvoir engager, parce que d'après ce que nous avons compris, on doit informer le ministère des Finances, on doit informer toute personne à qui de droit pour pouvoir assurer les traitements de ces personnes qui sont engagées. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va résoudre. La direction nous a promis qu'on va engager d'autres médecins généralistes pour couvrir la garde de la nuit. Docteur Sylvestre Bazikamwe, chef de département de gynécologie à l'hôpital Roi-Khaled. Toutes les agences de voyage intérieur Memento, Volcano, El Ponctuel, Tigre Express, Lion Express doivent déménager vers le marché Ngagara 2 à côté du parking des véhicules Transville. Dans une décision du maire de la ville de Bujumbura du 27 juin cette année, il ressort que les minibus qui stationnaient à la gare du Nord doivent déménager à l'avenue Oyiwa en face du marché Ngagara 2 sur le parking qui contenait initialement les bennes. Les véhicules bennes doivent déménager vers l'avenue de l'agriculture en bas vers le marché d'Ichesillon. Les taxis-voitures empruntant les directions de Gitega, Ngozi, Kayanza, Muramza et Kirundo doivent déménager vers ce même marché à côté des véhicules Transville. Freddy Mbonima, le maire de la ville de Bujumbura, considère dans sa décision que cela rentre dans le cadre de redynamiser le marché Ngagarade du Kotebu. Toujours dans la nécessité de rendre opérationnel le marché de Kotebu, le ministre de l'Intérieur a décidé le 29 juin cette année que la place communément appelée Grenier du Burundi, 6 Alex et marché central de Bujumbura est fermée. Pascal Barandaguié interpelle les commerçants qui y avaient des stands seront réinstallés au marché Ngagara 2, dit Kotebo. Précisons que le maire de la ville de Bujumbura est chargé de l'application de cette ordonnance ministérielle. Suivez plutôt Terence Nairaja, l'assistant du ministre de l'Intérieur. Effectivement, il y a un bout de ça que son excellent ministre de l'Intérieur de la formation patriotique a sorti justement une décision en collaboration, bien entendu, avec la mairie de Bujumbura qui prend la décision de déplacer justement les commerçants, et surtout des fouilles et autres, aux articles, aux greniers à côté du marché central de Bujumbura qui doivent déménager justement vers le marché et de côté vous, effectivement. Ils étaient avertis, il y avait un écrit, et le dernier date était le 30 juin 2017, mais malheureusement, ils n'ont pas d'argent de déménager. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pendant la matinée, la police nationale, en collaboration bien entendu avec la mairie de Bujumbura, a fait le dessin sur le terrain pour s'inquiéter de la situation. Eh bien, les commerçants qui travaillent là-bas ont dit qu'ils ont notamment les fruits et autres objets qui sont délicats, qui sont mis et qui sont délicats. Ils ont demandé à ce qu'on leur ajoute effectivement 48 heures pour qu'ils puissent se préparer. Eh bien, bien entendu, comme vous le savez, quand les gens s'entendent, quand il y a un consensus, c'est une très bonne chose. Ils ont accepté qu'après mardi, ils vont déménager. Et puis, ils étaient avertis, ils vont les placer là-bas depuis longtemps, il n'y a pas de problème. Donc, c'est dans cette structure qui se travaille est en train de se faire. Et surtout que, comme vous le savez, là, cette place-là, et qui est une partie de la seule marché Sandro Bujumbura. Et il y a un projet du gouvernement de mettre à citer le marché exemplaire qui va occuper tout l'espace. Et on ne voudrait pas au niveau de l'administration qu'il y ait des milliers comme quoi des places ou des places. Non, il faut qu'on se prépare à pas pour casser de compte. Si une fois le projet arrive, il n'y a pas ni de l'amélioration ni de casse. Terence Nairaja, assistant du ministre de l'Intérieur. Page sécurité. Un corps d'une femme a été retrouvé ce samedi vers 18h sur la colline Gabiro Ruvyagira de la commune Rugombo dans la province Chibitoke. L'identité de cette personne retrouvée morte reste toujours inconnue selon les sources administratives et policières. La police indique que des enquêtes sont en cours pour découvrir les causes de sa mort. Je vous l'avais dit dans le titre, les prix des produits vivriers n'ont pas diminué au marché de Ruyigi comme d'habitude pendant la récolte de la saison B, au moment où ceux qui s'approvisionnaient à son marché s'inquiètent de la faible quantité mise sur le marché. Certains disent que le haricot est collecté pour être transporté vers la Tanzanie. Jean-Claude Chimiriman. Un kilo d'haricots est actuellement vendu à 1000 francs au marché de la ville de Ruyigi, au moment où son prix variait entre 600 et 700 francs l'année passée. En cette période, le riz est vendu à un prix compris entre 1700 et 1800 francs au kilo, alors qu'il était à un prix variant entre 1200 et 1300 francs l'année dernière. En cette période de récolte, les grains de maïs se sont vendus à 1000 francs au kilo, au moment où ils étaient vendus à 600 francs au kilo l'année dernière. En cette période de début de la saison sèche, les emplacements de manioc et de patates douces, respectivement vendus à 1 500 francs l'année passée, sont actuellement respectivement vendus à 2 000 et 1 000 francs burundais. La grogne reste sur les lèvres de ceux qui s'approvisionnent à ce marché. Ceux avec qui nous sommes entretenus disent que la quantité de vivres mise sur le marché est insignifiante, ce qui fait que les prix restent élevés en cette période de récolte pour la saison B, alors que c'était en cette période que s'observait d'habitude une remarquable diminution des prix des produits. Cette faiblesse de l'offre est confirmée par les vendeurs et parmi eux, certains disent que le haricot est acheté à différents endroits pour être transporté vers la Tanzanie où il est vendu. De son côté, le gouverneur de la province Ruyigi, Abdallah Hassan, dit qu'il n'y a pas de produits vivriers de la province Ruyigi qui sont transportés vers la Tanzanie puisque les frontières sont fermées pour cela dans les communes Kinyinya et Gisuru frontalières avec la Tanzanie. Selon lui, les agriculteurs ont changé de comportement. Ils vendent actuellement le strict nécessaire puisqu'ils ont rompu avec les anciennes pratiques de gaspillage et de récolte. Il indique à tout un chacun à s'engager dans l'agriculture, spécialement celle des cultures maraîchères, en vue de pouvoir obtenir des produits vivriers de substitution. Jean-Claude Chimilimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Dernier élément de ce journal, le poisson se raréfie de plus en plus au marché de Muyinga. Le représentant des pêcheurs indique que la production sur le lac Gweru a sensiblement chuté suite à l'interdiction d'utiliser des objets illicites tels que les moustiquaires, contrairement à une information faisant état des mesures de suspension de la pêche. Dieudonné Nzeiman. Un des marchés d'écoulement des poissons pêchés sur le lac Gweru est celui de Muyinga. Sur ce marché, le poisson est aujourd'hui une denrée rare. Les quelques poissons disponibles proviennent du lac Dorotini do Kavuruga côté Kainzi, commune Muyinga, ou encore de la rivière Rubuvu. Le prix a doublé. Les vendeurs parlent des conséquences d'une mesure de suspension de la pêche dans le lac Gweru. Sadiki Nyandwi, représentant les pêcheurs de la province Muyinga, affirme plutôt que seuls les objets illicites étaient les moustiquaires et les filets maillants ont été interdits. S'il est avéré que la production a conséquemment chuté et que les prix ont grimpé, ce représentant des pêcheurs annonce la poursuite de la saisie des objets interdits. Dimanche matin, environ 300 moustiquaires en filet maillant ont été saisis dans le lac Gweru, côté commune Guitéragny. Il y a un mois, les administratifs et les cadres à la direction provinciale de l'agriculture et l'élevage à Muyinga ont détruit des objets de pêche interdits d'une valeur estimée à plus de 50 millions de francs burundais, d'après le directeur provincial de l'agriculture et l'élevage à Muyinga. Les pêcheurs de la province Muyinga accusent ces de Kirundo d'utiliser ces objets interdits dans la pêche. Dieudonné Nzeiman de Muyinga pour la radio Isanganiro. Et c'est par ici que s'achève ce journal, mais je vous en rappelle les titres. Le département de gynécologie à l'hôpital Roi Khaled est beaucoup plus touché par le manque de médecins généralistes. Le chef de ce département dit avoir soulevé la question à la direction de l'hôpital. Le ministre burundais chargé des relations extérieures dit déplorer que les problèmes dans lesquels est plongé le pays il y a 2 ans sont en partie liés aux accords ratifiés par le Burundi sans se rendre compte des pièges qui se cachent derrière. Les prix des produits vivriers n'ont pas chuté au marché de Ruyigi au cours de la récolte de la saison B. Certains disent que cela serait lié à la collecte du Raiko qui serait acheminée vers la Tanzanie. Le ministère de l'Intérieur a sorti le 29 juin cette année une ordonnance par laquelle la place communément appelée Grenier du Burundi est fermée. Les commerçants qui y travaillaient sont interpellés à s'installer au marché Ngagara 2, communément appelé Kotebo. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Aimé Toussaint Mitebouti pour la mise en onde. Le journal vous a été présenté par Alain Désiré Boukeneza. Bonne soirée à tous. Au revoir.